Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Bistrot Français. Vous êtes avec nous ce soir pour un menu français à Istanbul. Hanımefendiler, beyefendiler, Fransız restoranına hoş geldiniz. Bu akşam sizleri bizimle beraber Fransız yemeği yemeye davet ediyoruz. N'est-ce-vous? Ça allait pour moi, monsieur Septime? Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Faustin. Fais attention, hein. 3, 4. Le chef vous propose ce soir, en entrée, un parcours des galeries avec notre guide Adrien. Alors, ce soir, en plat principal, nous allons cuisiner deux artistes, Luz Blanco et Ludovic Bernhardt. Et puis, nous allons continuer par en dessert un millefeuille de livres avec Marie. Et pour finir, encore une addition salée qui nous sera servie par Gökşen Sayın. Bugünkü yemeğimizde giriş olarak galeri parkurlarını, İstanbul'un küçük galerilerinden söz edeceğiz. Arkasından ana yemekte iki tane Fransız sanatçımız olacak. Luz Blanco ve Ludovic Bernhardt'ı konuk edeceğiz. Arkasından da tatlıyı Marie'nin milföylerinden, yani yine bir 1650'lerde geçen kitapta İstanbul'un özellikle de Topkapı Sarayı'nın nasıl göründüğünden söz ederek devam edeceğiz. En son da tabii ki hesabın da tuzlu kısmını ben getiriyor olacağım. Alors bonsoir Adrien. Ce soir tu nous avais prévu une rubrique urbanistique et finalement ce sera une rubrique sur les galeries d'art d'Istanbul et finalement un parcours dans la ville et dans l'urbain. Evet Adrien, senden de bugün İstanbul'un bilmediğimiz bir giriş yemeğini, İstanbul'un galeri parkurlarını bir giriş yemeğiyle başlayacağız. Eh oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Gökşen. Aujourd'hui, je vous parle des galeries. Nos invités, quoiqu'ils n'en présentent aucun septon, nous arrivent en effet du sanatorium. Pour nos amis français, il faut préciser que le mot sanat signifie art en turc. Rappelons encore qu'un sanatorium, c'est un lieu de villégiature où l'on soignait la tuberculose à l'aide de cures à base de nature, d'air pur, de lumière et de soleil. Bref, tout ce dont on peut manquer lorsqu'on habite en ville. Sanatorium, donc, c'est une galerie où Français comme Turcs peuvent venir se ressourcer à l'abri des pollutions de la ville. C'est donc par une entrée artistique que je vous propose de commencer le dîner. Et, une fois n'est pas coutume, nous ferons la promenade avant même de manger. Istanbul est une grande ville, et regorge de petites galeries. Au-delà des grandes maisons, Sabancı Museum et autres Istanbul modernes, on a tout à gagner à s'aventurer dans les petites rues de Taksim à Tophane, et même de prolonger jusqu'à Karaköy, où les galeries s'implantent petit à petit. Dans cette ville immense et massive qu'est Istanbul, elles sont de véritables poches d'air, nécessaires sacs de décompression, où l'on peut encore prendre le temps de penser. De Cihangir à Tophane, en passant par Pera et Galata, elles sont légion en marge de l'avenue de la Libération. İstiklal Caddesi, centre par excellence de la consommation violente à laquelle notre épaule semble acculée. Voilà donc une petite promenade aigre-douce en guise d'entrée. Merci à vous et à bientôt. Evet, Adrien'e bu giriş yemeği için teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık restoranda ana yemeğimize doğru geçiyoruz. Alors, nous accueillons ce soir deux artistes français, Luz Blanco et Ludovic Bernhardt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui amène deux artistes français à s'installer en Turquie? Evet, sorulara geçmeden önce kısaca konuklarımızı tanıtalım. Bugün stüdyomuzda iki tane Fransız konuğumuz var. Luz Blanco ve Ludovic Bernhardt bizimle beraberler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk sorumuzdan başlayalım isterseniz. İlk sorumuz sizi İstanbul'a ne getirdi? C'est surtout l'idée de partir, hein, plus que de venir à Istanbul au départ. C'est vraiment l'idée de quitter un peu la répétition, de s'ouvrir à d'autres horizons. Donc c'est une sorte de coup de poker, hein. On a tiré les dés et c'est tombé sur Istanbul et on en est ravis. Mais c'était vraiment l'idée du départ, hein, de changer d'espace. Il y a un poème d'Arthur Rimbaud qui résume beaucoup, très bien cette idée. C'est un poème très court, hein, qui fait partie des illuminations et qui s'appelle « Départ ». C'est quatre phrases, je vais juste vous en dire deux, parce que je pense qu'elles répondent bien à cette question. « Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs, et ça finit par « Départ dans l'affection » et le bruit neuf. » Et le bruit neuf d'Istanbul est fascinant. Qui nous éclaire un peu plus. Evet, kısaca çevirmek gerekirse aslında İstanbul'a gelmek fikrinden ziyade gitmek fikri bizim yola çıkmamıza sebep oldu. Bir rutini kırmak, dolayısıyla oradan uzaklaşıp yer değiştirmek için aslında İstanbul'a geldik dedi. Kısaca özetlemek gerekirse aslında Arthur Rimbaud'un gidiş şiiri ile İstanbul'a gelişimizi özetleyebiliriz dedi. Şiirin kısa dörtlüğünü söylersek, yeterince görülmüş, her yörede bir görümlük karşımıza çıktı. Kalkış, yeni tutkular, yeni sesler eşliğinde. Dolayısıyla bununla beraber aslında bir yola çıkış hikayesini de dinlemiş olduk. Alors, Luz, tu as dit le bruit neuf pour finir avec, avec cet extrait d'Arthur Rimbaud. Alors, le bruit neuf, c'est aussi la vision de la scène turque que vous avez, ce qui est cette nouvelle scène que vous avez découverte. Et quelle est votre vision de celle-ci? Alors, sur la scène de l'art contemporain turc, on n'a pas une vision forcément très objective et homogène, mais de ce qu'on peut, de l'expérience qu'on a eue de cette scène, en tout cas de l'expérience qu'on a toujours de cette scène, on pense que c'est déjà une scène très active et très dynamique, hein, ça c'est sûr, au niveau des artistes, au niveau de la jeunesse des artistes, au niveau des ambitions aussi de ces artistes, et également au niveau des entrepreneurs de l'art, entre guillemets, même, c'est-à-dire des galeries et de tout ce qui entoure la démonstration et l'exposition des œuvres. Cependant, c'est vrai que c'est très dominé par un milieu de galeries et de fonds privés, malheureusement, et auxquels sont assujettis en fait, les artistes. Stefan aslında İstanbul'a yeni çıkıp geldikleri bu sahnede İstanbul çağdaş sanatının özellikle Türk çağdaş sanat dünyasını nasıl bulduklarını sordu. Kısaca Ludovic de bize İstanbul'daki ve Türkiye'deki çağdaş sanat dünyasını Fransız sanatçıların gözünden nasıl bulduklarını söyledi. Daha ziyade artistlerin sayısının, sanatçıların sayısının, sanatçıların konuya olan tutkularının çok önemli bir düzeyde olduğundan çok aktif ve dinamik bir hayatın İstanbul'da olduğundan söz etti. Aynı zamanda galerilerin sayısı olarak da dolayısıyla öyle diyebilir miyiz bilemiyorum ama özellikle de bu konuyla ilgili girişimciler olarak da çok renkli bir dünyanın var olduğundan söz etti İstanbul'da. Ama tabii ki diğer açıdan bakarsak da bütün sanat dünyasının galeriler ve özel fonlar etrafında dönmesinin istenildiği kadar da sanatın desteklenmesi konusunda soru işareti yarattığına değindi. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est une scène très différente alors de la scène française? Oui. Oui, on peut dire oui, puisque peut-être un peu plus simplifié dans les façons d'organiser cette scène, je dirais, et puis par les acteurs aussi. En France en particulier, c'est vrai que bon, déjà il y a plus d'artistes, il y a plus d'acteurs, il y a plus de... d'institutions, évidemment, puisque l'institution publique est vraiment partie prenante à 100%, alors qu'en Turquie, pas du tout. L'État en particulier. Mm-hmm. À ce niveau-là, je pense qu'en France, c'est un peu plus complexe. Ce que veut dire Ludovic, c'est qu'ici, nous avons remarqué qu'il y a... c'est très dynamique, mais il y a quelque chose qui est assez triste, c'est que les artistes ont beaucoup de mal à travailler, comme on pourrait dire, dans le « off ». C'est-à-dire que le « in » est vraiment concentré autour des galeries, des marchands d'art, des collectionneurs, et que malheureusement, pour un artiste aussi, on le ressent, nos amis nous en parlent, hein, on parle aussi en leur nom. Quand on ne fait pas partie d'une galerie, c'est très difficile de proposer des alternatives extérieures. Et on pensait peut-être qu'après Gezi, il y avait des propositions qui allaient se faire, mais les artistes n'y arrivent pas et ils en souffrent aussi. D'accord. Kısaca özetlemek gerekirse aslında Stefan baktığımız zaman Fransa'dan çok farklı bir sanat dünyasının içinde olduğumuzdan söz edebilir miyiz karşılaştırdığımız zaman dedi İstanbul'da. Ludovic aslında Fransa'ya göre Türkiye'deki sanat dünyasının çok daha basit bir yapısının olduğundan söz etti. Fransa'da çok fazla sanatçı, sanata dahil olan çok fazla kurum var. Özellikle de Fransa'da devletin sanatçılara verdiği çok sayıda fon var. Bu sebeple orada Türkiye'dekinden çok daha farklı bir yapılaşma var dedi. Türkiye'de ise baktığımızda çok az sanatçı devlet desteği alabiliyor. Dolayısıyla çok farklı bir iki ülke arasında sanat konusunda farklı yapılaşmalar var diyebiliriz. Arkasından Luz çok önemli bir noktaya değindi. Özellikle Türkiye'de sanatçıların off çalışmalarının çok zor olduğundan, yani bir galeriye bağlı olmadan kendi başlarına sanat üretip bu sanatı birileriyle paylaşmalarının ne kadar zor olduğundan söz etti. Özellikle Gezi'den sonra bunun değişmesini bekliyorduk. Çünkü sanat sokağa çıkmıştı. Ama şu an görüyoruz ki yine de bu konuda çok önemli gelişmeler olmadı dedi. Alors, vous avez aussi la chance d'être dans ce in, parce que tu parlais de la différence entre le in et le off, et de ce que ça implique pour les artistes, notamment turcs. Vous avez la chance d'être dans le in par la galerie, et en même temps, vous vous impliquez, pas qu'en tant qu'artiste seulement, mais aussi en tant qu'organisateur d'exposition, où vous invitez d'autres artistes à prendre part, un peu à casser les règles qui sont un peu établies en Turquie. Et mais alors, comment on trouve sa place dans une scène turque qui est totalement différente et avec d'autres codes et un autre fonctionnement. Déjà, on ne veut pas casser de règles établies en Turquie, je ne pense pas du tout, on n'aurait pas les compétences. Mais surtout, on propose d'abord de travailler surtout avec des artistes et puis des gens qui sont plutôt nos amis, c'est-à-dire qui ont évidemment un travail qui nous intéresse. Mais aussi pour qu'il y ait vraiment une relation, on va dire, amicale, qui puisse faire que le centre du projet artistique soit basé sur des bonnes ondes, des ondes positives et donc amicales. Un échange humain d'abord, voilà. Qui entraîne les projets. Et faire intervenir en effet des artistes turcs, des artistes français, puisque c'est ce que j'ai fait. Créer des échanges. Voilà, dans l'exposition Ifologie. Et puis européen pour les futurs projets. D'accord. Donc travailler sur l'humain, c'est la base. Important, voilà, qu'on oublie parfois. Le monde artistique n'est pas un monde que commercial, c'est un monde de l'humain et ça, on y tient beaucoup. Donc finalement, votre place dans la scène, vous la construisez par l'humain, voilà, autour de l'humain et par l'humain. Mais par l'amitié, oui. D'accord. Aslında Stephen'in sorusuyla başlayalım tekrar. Sizin dedi önemli bir şansınız var bu noktada in olarak. Az önce in ve off'tan söz etmiştik. In olarak, yani bir galeriye bağlı çalışabiliyorsunuz. Ama diğer taraftan da bir şekilde kuralları yıkarak off, yani bir galeriye bağlı olmayan diğer sanatçıları davet edip onlara da burada eserlerini sergileme şansı verebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin bu noktada kuralları yıktığınızdan söz edebilir miyiz dedi. Ludovic, aslında çok da kuralları yıktığımızdan söz edemeyiz. Çünkü biz kurallarla mücadele etmiyoruz. Aslında işlerini beğendiğimiz arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ve insan hikayeleri üzerine çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla hani buna kuralları yıkmaktan ziyade aslında güvendiğimiz işlere, güvendiğimiz insanlara bir alan açmak olarak değerlendirebiliriz dedi. Luz'un eklemesiyle de önemli olan şu an sanata biraz daha maddi açıdan, dolayısıyla bir obje, bir nesne olarak bakılıyor ama sanat bu değildir. Sanat daha ziyade insan hikayeleridir. Dolayısıyla bizim için de sanat özellikle arkadaşlık ve insan hikayeleri üzerine kurulu diye özetledi. Alors ces échanges humains, alors justement finalement est-ce que c'est enrichissant, enfin voilà, comment ça a fonctionné l'enrichissement à la fois de ce que vous avez reçu de la part des artistes turcs que vous avez croisés dans votre galerie ou en dehors, et aussi peut-être ce que vous avez apporté aux artistes turcs en échange, mais enfin ça s'est fait assez naturellement ces rencontres ou voilà, où il a fallu du temps pour s'apprivoiser, pour se connaître. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chance parce que ça s'est fait très naturellement et assez vite dans un contexte qui était un contexte de galerie en fait, mais aussi un contexte d'échange entre artistes. Et les choses se sont faites très naturellement aussi, voilà. On a été très bien reçus. On a quitté quand même une famille, hein, un petit clan parisien, et on en a trouvé une autre. C'est d'accord. Vrai. Et finalement, on échange avec les artistes turcs, vous échangez sur l'art ou aussi sur vos œuvres, sur l'œuvre que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il y a un échange aussi à ce niveau-là, à cette échelle-là? Il y a un échange théorique, il y a un échange esthétique, il y a un échange sur la production des œuvres. Je trouve que c'est assez global, assez complet à ce niveau-là. On a rencontré beaucoup d'artistes, vraiment quasiment théoriciens de l'art, hein, et producteurs à la fois, et qui ont un profil assez complet, je trouve, hein, ici en Turquie. Kısaca özetlemek gerekirse sorumuz bizim aslında bu farklı insan hikayelerinden, bu arkadaşlıklardan ve sanatın bunun üzerine kurduklarından söz ettiler. Bu insan hikayeleriyle peki nasıl karşılaşıyorsunuz? Hani belli bir işte hemen tanışır tanışmaz mı arkadaş oluyorsunuz, yoksa belirli bir kontekste birlikte iş yaparak mı tanışıyorsunuz diye sorduk. Aslında bu tanışmanın çok doğal olarak gerçekleştiğini söylediler. Dolayısıyla baktığımız zaman galeriye gelip giden sanatçılarla gerek teorik gerek pratik olarak farklı alanlarda konuşmaya başlıyoruz. Sonra bir anda kendimizi birlikte iş yaparken buluyoruz dediler. Luz'un aslında söylediği şey, unutmamak lazım, biz Paris'te ailelerimizi bırakıp İstanbul'a geldik. Burada bambaşka bir aile bulduk dedi. Dolayısıyla bu ilişkinin farklı bir boyuta taşıdığından söz etti. Biz de onun arkasından peki sanat mı eser üzerine mi daha çok fikir alışverişinde bulunuyorsunuz diye sorduk. Aslında bunun çok kompleks bir yapı olduğundan hem teorik olarak sanat teorisi üzerine tartıştıklarından, yeri geldiğinde de eser üzerine tartıştıklarından, dolayısıyla o arkadaşlığın götürdüğü noktada sohbet üzerine yeni fikirler ve eserler çıktığından söz ettik. Alors pour conclure cette rencontre, je sais que vous avez des projets à venir, et notamment un projet qui est en train d'aboutir pour toi, Ludovic, qui est la sortie d'un livre qui parle du microcosme du monde de l'art à Istanbul notamment. Oui, donc c'est un roman qui se passe en effet dans le monde des art fairs, je dirais, puis de la ville globale qu'est Istanbul. Et ce roman est une sorte d'errance et de vagabondage d'un artiste dans le labyrinthe des signes que constitue justement l'art contemporain dans une ville globale. En fait, c'était une réflexion que je voulais mener, à la fois ironique et critique, sur qu'est-ce que l'art global, qu'est-ce que l'art contemporain. Mm-hmm. Est-ce qu'il est global, est-ce qu'il est local, est-ce qu'il est glocal, comme on pourrait dire, c'est-à-dire un hybride entre global et local, dans une société comme la société turque, mais qui s'ouvre évidemment à l'international comme jamais. D'accord, merci. Et justement, de cette scène locale, quels sont vos projets, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, à venir et pour vos œuvres ? On a toujours le projet de monter une exposition collective, hein, un peu dans le même principe que l'exposition qu'avait fait Ludovic avec des artistes français, mais là, réunissant en particulier des artistes turcs et quelques artistes amis ou français ou portugais, un projet en cours. Hein. Et sinon, une exposition tous les deux en Inde pour cet été. Donc l'idée de partir encore ailleurs, voir ce qui s'y passe. D'accord, donc après les nombreux projets de l'année avec Sanatorium, maintenant c'est aussi des projets en dehors et pourquoi pas voyager vers de nouvelles expositions. En dehors, c'est important d'ailleurs, Ludovic. Et à Paris, oui, je crois bientôt. Oui, puis le lien à Paris aussi dans une exposition collective qui s'appelle Against Reality, donc contre la réalité, à la galerie Plateforme à Paris. Merci beaucoup. Merci. Son soru olarak da aslında Ludovic'in bir yeni kitap projesi var. Onu sorduk. Kitapta tam olarak şimdiye kadar sözünü ettiğimiz bu İstanbul'daki sanat dünyasını, özellikle de çağdaş sanat dünyasını anlatıyor. Ludovic bize birazcık kitabını anlattı. Aslında kitap İstanbul'daki, küresel şehir İstanbul'daki bir sanatçının sürüklenişini, onun mikrokozmosunu anlattığından söz etti. Dolayısıyla bazen ironiye kaçan, bazen eleştiren, bazen de o sanatçının hikayesiyle beraber akıp giden bir sanatı hayatın içine sokan bir hikayeden söz ettik. Onun arkasından gelecek sergi planlarını sorduk. Aslında birçok farklı sergi planı var bizim gördüğümüz kadarıyla. Daha önce Fransız artistlerin İstanbul'da bir açtıkları sergi vardı. Şimdi bir benzeri kolektif olarak açılan bir sergiydi. Şimdi bir benzeri Türk, Portekizli ve Fransız sanatçılarla beraber bir benzer çalışmanın daha içinde olduklarından söz ettiler. Ayrıca Paris'te yine benzer bir şekilde kolektif serginin açılacağından söz ettiler. Sanatoryum'daki, yani bağlı oldukları galerideki çalışmalar devam ederken önümüzdeki yaz yine bu bir yerlere gitmek üzerine kurulu olan gidiş üzerinden Hindistan'da yeni bir serginin olacağından söz ettik. Çok teşekkür ederiz bize programımıza katıldığınız için. Biz teşekkürler. Alors après cette belle rencontre et cette découverte d'un point de vue artistique de la scène turque par des Français, je vous invite ce soir à nouveau pour un millefeuille de livres qui nous sera servi par Marie en dessert. Donc voilà, quel livre tu vas nous présenter ce soir ? Evet, bu güzel ana yemeğimizden sonra Fransız sanatçıların İstanbul'daki çağdaş sanat macerasını dinledikten sonra tatlıya geçiyoruz. Tatlıyı bize Marie sunacak. Her hafta yaptığımız gibi Marie'nin milföylerinden yani kitap arşivinden bir parça dinleyeceğiz. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est conservé à l'Institut français d'études anatoliennes. Donc cet institut est situé au numéro 10 de Nuritia Sokak. Dans les jardins du Palais de France, et c'est un centre de recherche en sciences humaines et en sciences de l'Antiquité ayant un rapport avec la Turquie ou l'Empire ottoman. Alors ils ont une très belle bibliothèque où on peut sur demande consulter les livres et les cartes anciennes, et le livre dont je vous parle aujourd'hui s'appelle « Les voyages de Sieur du Loir ». Il date de 1654 et il a été écrit par Du Loir et édité à Paris. Alors ce livre raconte sous la forme de lettres la mort du sultan Murad IV, ses funérailles et l'avènement à l'empire du sultan Ibrahim qui lui a succédé. Et c'est écrit en vieux français, donc c'est parfois un peu difficile à lire, mais c'est formidable de se plonger dans l'histoire d'Istanbul au XVIIe siècle et de lire des passages sur des lieux qui sont si connus aujourd'hui et qui font partie de notre paysage quotidien à nous qui vivons à Istanbul en 2014. Donc je vais maintenant vous lire un petit passage qui raconte le palais de Topkapı en 1600 et quelques, comme l'a vu Sieur du Loir. L'apparence extérieure n'est pas bien belle parce que l'architecture n'en est pas fort régulière et que ce sont des appartements détachés en forme de pavillon et de dôme. Sur le rivage de la mer, il y a quantité de pièces d'artillerie. Du côté du port sont les portes secrètes qui ne servent qu'à l'usage du grand seigneur et de ses femmes. Il y a aussi sur le rivage un de ces pavillons que les Turcs appellent kiosque, soutenu par 12 belles colonnes de marbre et enrichi d'un superbe lambris, peint à la persane, où le grand seigneur vient quelquefois prendre l'air et jouir de la vue du port. Du côté de l'Hellespont, en allant vers les sept tours qui font l'angle qui regarde le midi et le couchant, il y a une fontaine que les Grecs ont en si grande vénération que le jour de la transfiguration, ils n'en font pas boire seulement à ceux qui font travailler la fièvre, mais ils les enterrent encore dans le sable qui est autour, croyant par ce moyen les soulager de leur maladie. Voilà, donc j'espère vous avoir donné l'envie de lire le reste de ce livre par vous-même en vous rendant à la bibliothèque de l'Institut français d'études anatoliennes. Et pour ceux qui sont trop loin pour s'y déplacer, vous pourrez trouver la version numérique de ce livre sur le site internet gallica.bnf.fr. Merci. Merci beaucoup Marie, merci de nous avoir aussi donné le site internet parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer et il y a vraiment énormément de trésors qu'on peut trouver sur Gallica et qu'on peut consulter, se plonger dans les villes, que ce soit Istanbul ou ailleurs. Kısaca özetlemek gerekirse Marie'nin anlattığı kitabı aslında Fransız sarayının bahçesinde bulunan İfea'da 1650 yılında İstanbul'daki bir Fransız tarafından yazılmış 4. Murat'ın ölümünden sonra İbrahim'in tahta geçişini anlatan ve o dönemin Fransızcasıyla anlatan bir kitaptan kısa bir alıntı dinledik. Dolayısıyla 2014 yılında İstanbul'da yaşayan insanlar için 1650'nin İstanbul'u hele de bir Fransızın gözünden çok daha farklı geliyor kulağa. Alors comme tout bon repas dans un bistrot français, c'est l'heure de l'addition qui nous sera servie par Gökşen. Alors j'espère qu'elle sera pas trop salée ce soir. Yavaş yavaş artık hesabın ödenmesi kısmına geldik. Her hafta yaptığımız gibi hesabın sonunda iyi bir bahşiş alabilmek için yine hiç size layık olmayan bir şakayla bitireceğim. Ama işte bunların hepsi biraz daha fazla bahşiş için yaptığımız numaralar. Eskiden çok eski vakitlerde cimriliği ile ün yapmış bir köy varmış. Bu köye bir gün çok yaşlı bir adam gelmiş. Bu adam o kadar güzel çay yapıyormuş ki birkaç ayda bütün köyün sevgilisi haline gelmiş. Ama maalesef yaşlı adamcağızın çok şansı yokmuş. Köye taşındıktan çok kısa bir süre sonra hastalanmış. Hasta yatağındayken bütün köylüler adamın başucuna toplanmışlar. Bir yandan ağlıyorlar, bir yandan da ölmeden o muhteşem çayın tarifini bıraksın diye adamcağızın ağzının içine bakıyorlarmış. Adamcağız son nefesini vermeden bütün enerjisini toplamış, ağzını hafifçe açmış, güzel çay yapmanın tarifini köylülerle paylaşmış. Birazcık daha fazla çay koyun diye. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İki hafta sonra görüşene kadar masanızdan çayınız eksik olmasın. Afiyetle kalınız. Alors l'humour comme arme pour avoir un pourboire un peu plus important. Merci beaucoup Gökçen. Merci beaucoup à Ludovic, Bernard et Luz Blanco d'avoir été nos invités ce soir et voilà pour cette belle rencontre. Merci à toute la brigade du Bistrot Français et à vous aussi qui nous écoutez. À très bientôt.